Bismillah. La louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Ce soir, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet fondamental en islam, c'est le désaveu des fausses divinités. Le désaveu des fausses divinités. Mais avant toute chose, étant donné que je me trouve dans une section et dans une room dans laquelle il y a et des croyants et des non-croyants, je vais rappeler en quelque sorte quel est le véritable sens de l'islam et c'est quoi l'islam. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes et tous les messagers envoyés de la part d'Allah. Allah, la seule et unique divinité qui mérite l'adoration. Allah, celui qui nous a donné une vie, celui qui a créé les cieux et la terre depuis le néant. Celui qui va nous juger le jour dernier pour ce qu'on aura accompli dans cette vie ici-bas qui consiste en une épreuve. Donc, à travers le temps, Allah il a envoyé des prophètes et des messagers pour appeler les gens à l'adoration de lui l'unique et ne pas lui donner d'associés. D'ailleurs, Allah il a dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, comme a dit un des compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit qu'en réalité l'adoration ici, elle consiste à unifier Allah. Écoutez, il a dit à chaque passage du Coran où l'on trouve qu'il m'adore, cela signifie qu'il m'unifie. Donc, Allah, il nous a créés pour l'unifier, ne pas lui donner d'associés. Donc, pour accomplir le monothéisme islamique. Allah, il a envoyé des messagers à tous les peuples, des prophètes et des messagers depuis Adam, en passant par Nuh, en passant par Moussa, Issa, ou bien le dernier des messagers, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et leur message à eux tous était le même. Allah, il a dit, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Adorez Allah et écartez-vous du tagout. Donc ça, c'était l'appel de tous les messagers envoyés de la part d'Allah. Et leur religion, elle a été la même. Et celui qui n'est pas sur leur religion à eux, alors il est sur une autre religion qui n'est pas la leur. Et il est sur une religion qu'Allah n'accepte pas. Car la seule religion qu'Allah il accepte, c'est l'islam. Et celui qui en veut une autre à part celle-là, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc là, j'ai mentionné un mot, c'est le mot tagout. Et c'est ce mot-là qui désigne dans le livre d'Allah les fausses divinités, c'est-à-dire tout ce qui est divinisé ou bien tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le monothéisme, justement, parmi les piliers, il a le désaveu des fausses divinités, parce que la personne qui va entrer dans l'islam, elle va entrer dans l'islam avec un témoignage. Un témoignage. Et un témoignage n'est pas un témoignage s'il n'est pas accompagné de la science et de la certitude. Autrement, c'est une prétention. Car la prétention, elle est accompagnée de l'ignorance et du doute. Et vous savez très bien que l'ignorance est l'opposé de la science, le doute est l'opposé de la certitude, et ces choses-là, les deux opposés ne peuvent pas coexister. Donc le monothéiste sera uniquement celui qui témoigne en pleine connaissance de cause le monothéisme pour lequel Allah il a créé les djinns et les hommes. Allah il a dit dans un verset, quiconque mécroit au tagout tandis qu'il croit en Allah saisit l'once la plus solide qui ne peut se briser. L'once la plus solide dans ce verset, elle désigne La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et c'est ça la parole du tawhid qui comporte deux piliers. La ilaha, c'est mécroire au tagout. Quiconque mécroit au tagout. Illallah, croire en Allah, tandis qu'il croit en Allah. Donc le musulman, le monothéiste, c'est celui qui désavoue toutes les fausses divinités et qui unifie Allah. Et il ne lui donne pas d'associé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit La ilaha illallah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens et son sang sont inviolables et son jugement revient à Allah, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. Maintenant pour les différentes formes de tawaghit qui désigne le pluriel du mot tawaghit, c'est-à-dire de la fausse divinité. Comment est-ce qu'on définit un tawaghit? À partir de quand une chose ou bien une personne peut devenir une fausse divinité? Déjà la toute première chose, c'est que vous devez savoir que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un tawaghit, c'est une fausse divinité, qu'il s'agisse d'un objet ou bien d'une personne. Maintenant, le tawaghit, il peut aussi se présenter uniquement sous la forme d'une chose. Par exemple, si on attribue à une chose une caractéristique qui n'appartient qu'à Allah, alors cette chose-là, elle devient un tawaghit. Je répète, si on attribue à une chose une des caractéristiques qui n'appartient qu'à Allah, alors cette chose-là, elle devient un tawaghit. Je vous donne un exemple. Si les gens attribuent aux arbres la faculté de nuire ou bien d'être profitable en dehors d'Allah, alors cet arbre est un tawaghit. Cet arbre est une fausse divinité. Et il faut absolument le désavouer, l'inclure dans la ilaha, comme vous dites la ilaha illallah, pour être parmi les monothéistes. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une personne. Une personne qui a une raison, qui a une volonté. À partir du moment que cette personne, elle va s'attribuer à elle-même une caractéristique qui n'appartient qu'à Allah, alors elle devient un tawaghit. À partir du moment qu'une personne va s'attribuer une des caractéristiques pour lesquelles Allah a déclaré qu'elle n'appartient qu'à lui et qu'il n'a pas d'associé dedans, cette personne devient un tawaghit. Et toute personne qui approuve que les gens lui attribuent cette caractéristique qui n'appartient qu'à Allah est également un tawaghit. Parce que Allah, il s'est unifié dans un certain nombre de choses. Et il nous a révélé un livre et il nous a dit qu'il est unique. Et je vais vous donner un exemple de certaines choses. Allah, il a dit dans son livre que la connaissance de l'invisible n'appartient qu'à lui. Cela n'appartient qu'à lui. C'est une des caractéristiques propres à Allah, le Créateur des cieux et de la terre. À partir du moment que quelqu'un va s'attribuer à lui-même cette caractéristique ou cette qualité, eh bien il va se mettre à l'égal d'Allah dans une chose qui n'appartient qu'à Allah. Et ainsi il va lui devenir un égal. Donc, il va devenir une fausse divinité. Un autre exemple. Et c'est un très très bon exemple par rapport à l'époque à laquelle nous vivons. Quelqu'un qui va s'attribuer le jugement. Quelqu'un qui va s'attribuer le jugement. Allah, il a déclaré dans son livre que le jugement n'appartient qu'à lui, que le commandement n'appartient qu'à lui. Et Allah, il a même déclaré qu'il n'associe personne à son commandement. À partir du moment qu'il y a une personne qui va s'attribuer le jugement en dehors d'Allah, eh bien cette personne, elle deviendra un associé à Allah, une fausse divinité, donc un taghout. Et à partir du moment où, par exemple, quelqu'un parmi nous, qu'Allah nous en préserve, donne à un homme la caractéristique ou bien la qualité du jugement ou la fonction du jugement qui n'appartient qu'à Allah et qu'il en est satisfait, là aussi il devient un taghout, même s'il ne le sait pas approprier lui-même. La meilleure, peut-être la meilleure des définitions du taghout, c'est celle qu'a donnée notre cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui était l'élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il a dit que le taghout est tout objet de culte, tout modèle suivi ou obéi. Le taghout de chaque peuple est donc celui à qui il demande le jugement au lieu d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou encore ce qu'ils adorent d'autre qu'Allah. Et il continue la parole. Donc, ce qui est important ici dans la définition de Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est qu'il nous informe que tout ce qui est adoré, suivi ou obéi en dehors d'Allah, c'est un taghout, parce que l'adoration, le suivi et l'obéissance, ce sont des caractéristiques spécifiques d'Allah. C'est la raison pour laquelle tout ce qui va être suivi ou obéi en dehors d'Allah et indépendamment d'Allah, eh bien, cela deviendra un taghout. Ou encore, tout ce qui va être suivi ou obéi dans la mécréance, il sera aussi un taghout. Mais par contre, si quelqu'un il est obéi ou suivi dans le péché, lui, il n'est pas un taghout. Une autre parole qui définit bien le terme taghout, c'est la parole d'Abu Boutein rahimahullah, qui était le mufti, le grand savant, ainsi que le juriste de la région du Nejd, qui, après avoir cité dans Fatawa Nejdiya, volume 1, page 325, après avoir cité des paroles des compagnons, des salafs et d'autres savants du Tawhid, il conclut en disant, écoutez bien cette parole, subhanallah, il conclut en disant, le taghout comprend tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellie, de même, toute personne que les gens ont élue pour qu'elle juge entre eux avec des lois de la jahiliya contraires au jugement d'Allah et de son prophète. De même, les sorciers, ceux qui incitent à l'adoration des statues, ceux qui en menton veulent attirer les ignorants dans l'égarement en leur suggérant qu'à mort exauce le besoin de celui qui s'adresse à lui et qu'il a fait ceci et cela, ce qui est ou un mensonge ou un acte du diable. Ainsi, il les attire dans le shirk, et la base de toutes ces sortes est le plus grand parmi eux, est le diable, c'est lui le plus grand taghout. C'est lui le plus grand taghout, Iblis. Donc, dans cette parole d'Abu Boutein, nous avons vu un certain nombre de tawaghit, et il est important de savoir pourquoi ils sont des tawaghit, comme on a expliqué au début. On a vu par exemple le taghout du jugement. Pourquoi il est un taghout? Eh bien, parce que on lui a donné une des caractéristiques qui n'appartient qu'à Allah et il l'a accepté, ou bien il se l'est approprié à lui-même, c'est-à-dire le jugement. Les sorciers, pourquoi? Les médiums et tout ça? Parce qu'ils prétendent connaître l'invisible en dehors d'Allah. Ils le prétendent. Et quand les gens leur attribuent cette qualité, ils ne le désavouent pas, au contraire, ils l'approuvent. Voilà, il ne suffit pas de dire « un tel est un taghout, tu dois le désavouer », mais il faut savoir encore pourquoi il est un taghout. Et j'espère que vous avez compris à partir de quand une personne ou une chose devient un taghout. Il y a des paroles des salafs et des savants concernant les tawaghites, les différentes formes de tawaghites. On ne va pas toutes les citer. Le plus important, c'est de citer la définition elle-même. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais vous citer les 5 tawaghites principaux qu'a cité le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et ce qu'on va faire, on ne va pas tout simplement les citer, mais on va expliquer pourquoi ils sont des tawaghites. Alors, le premier taghout qu'a cité le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'est le shaitan. Le shaitan, pourquoi il est un taghout? Parce qu'il appelle les gens à la mécréance. Il appelle les gens à adorer un autre qu'Allah. Et il a dépassé les limites dans la mécréance. C'est cela le taghout. Le taghout, ce n'est pas un simple mécréant. Le taghout, c'est quelqu'un qui va dépasser les limites dans la mécréance. Or, celui qui appelle les gens au kufr, celui qui appelle les gens à la mécréance et au polythéisme, il n'y a pas de doute qu'il a dépassé les limites dans la mécréance. Et il s'est mis à l'égal d'Allah. C'est la raison pour laquelle toute personne qui invite les gens à la mécréance, il devient un taghout semblable à Iblis. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Allah, il a dit, ne vous ai-je pas engagé enfant d'Adam à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Le deuxième taghout qu'a cité le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'est le gouverneur qui va changer la charia. Et il va imposer un commandement en dehors du commandement d'Allah. Donc vous devez savoir que le terme charia, il signifie la législation. Charia signifie la législation. Alors pourquoi quelqu'un qui va légiférer en dehors d'Allah, il devient un taghout? Tout simplement parce que la législation n'appartient qu'à Allah. Et elle n'appartient à personne d'autre que lui. À partir du moment où quelqu'un, il va s'approprier la législation, ou bien il va en mettre une autre en place et imposer à ce qu'elle soit suivie et obéie en dehors de la charia d'Allah, eh bien celui-là, il devient un taghout, une fausse divinité. Allah, il a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Allah a dit, il n'associe personne à son commandement. Allah, il a dit, ou bien, aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? C'est quoi les lois religieuses? Les lois religieuses, c'est un jugement. Et que signifie le jugement à l'unanimité des salafs? Le jugement est un din. Le din, c'est un jugement. Alors comment quelqu'un peut-il être un monothéiste en imposant un autre din que le din d'Allah? Il n'y a pas de doute que celui-là, il n'est pas un monothéiste. Et qu'il est en dehors de la religion des prophètes et des messagers. Allah, il a dit que le seul dîn qu'il accepte, c'est l'islam. Et il n'accepte pas un autre dîn que l'islam. Alors pourquoi les gens, ils viennent et ils mettent en place un autre dîn que l'islam? Pourquoi les gens, ils viennent et ils appellent les gens à mettre en place un autre dîn que l'islam? Pourquoi les gens, ils viennent et ils imposent aux gens un autre dîn que l'islam? Pourquoi les gens, ils viennent et ils disent que celui qui ne veut pas un autre din que l'islam, eh bien que c'est des égarés, que c'est des khawarij, que c'est des chiens d'enfer. Pourquoi celui qui veut mettre en place le din d'islam, c'est un égaré, c'est un khariji? Non, ce n'est pas un égaré. C'est celui qui l'accuse d'être un égaré qui est dans un égarement lointain. Allah, il a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tagout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire, mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Très loin dans l'égarement. Le troisième Tagout qu'a cité notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, c'est celui qui va juger par autre loi que la loi d'Allah, comme c'est le cas de ceux qui jugent avec des lois humaines. Donc, il y a un nom et un attribut qui n'appartient qu'à Allah, c'est Al-Hakim, celui qui tranche les litiges. À partir du moment que quelqu'un va s'attribuer cet attribut et cette qualité et cette fonction qui est de trancher des litiges en dehors d'Allah, avec une autre charia que la charia d'Allah, avec un autre din que l'islam, il est un tagout, il est une fausse divinité. Et toute personne qui dit la ilaha, il doit l'inclure dedans. Il n'y a pas d'autre juge en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'autre hakim en dehors d'Allah. Et tout autre hakim en dehors d'Allah, eh bien, c'est une fausse divinité, c'est un tagout. Il n'est pas un monothéiste, il n'est pas en train d'unifier Allah celui-là. Il est en train de s'associer à lui, subhanallah. Alors comment peut-on douter de sa mécréance? Allah a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Les voilà les mécréants. Précédé par Alif Lam. Comme les trois versets, il n'y a aucune contradiction entre eux. Et la règle, elle est claire. Quand la mécréance, l'injustice ou la perversité est précédée par Alif Lam, ça concerne la grande injustice, la grande perversité et la grande mécréance qui fait sortir son auteur de l'islam. Le quatrième tagout qu'a cité notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, c'est celui qui prétend connaître l'invisible en dehors de la volonté d'Allah. Allah, il nous a informé dans son livre, il nous a dit, c'est lui qui détient les clés de l'invisible. C'est lui qui les détient. Et il nous dit quoi encore? Il nous dit, nul autre que lui ne les connaît. Nul autre que lui ne les connaît. Donc Allah, il est unique là-dedans. À partir du moment où quelqu'un déclare que lui aussi, il connaît l'invisible, eh bien il devient une fausse divinité. Il n'est pas une divinité, mais il est une fausse divinité. Celle qu'il faut désavouer, celle dans laquelle il faut mécroire, c'est un tagout. Et le cinquième, c'est quelqu'un qui est adoré avec ou en dehors d'Allah, et il en est satisfait. Allah, il a dit dans son livre, et quiconque d'entre eux dirait, je suis une divinité en dehors de lui, nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Et maintenant, je vais passer, c'est peut-être le pire des tawaghites contemporains. C'est peut-être le pire qu'on puisse trouver. Il s'agit des constitutions et des lois humaines. Malheureusement, à notre époque, beaucoup de personnes s'affiliant à l'islam, ils n'ont pas compris quelle est la fonction et quel est le rôle et quel est le statut avant tout de ces lois humaines et de ces constitutions que les gens ils ont mis en place en dehors de la charia. Et vous allez voir que les lois humaines ainsi que les constitutions mécréantes, elles-mêmes, elles sont des tawaghites et des fausses divinités que tout musulman doit désavouer. Allah, il a dit dans son livre, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Allah, il a dit, et il n'associe personne à son commandement. Donc, le commandement qui est visé dans ce verset, c'est quoi en réalité? C'est le commandement cosmique, c'est-à-dire que tout se passe avec la volonté d'Allah et que rien ne peut échapper à sa volonté, à sa puissance ainsi qu'à sa science. Et nous avons aussi là-dedans le commandement législatif et la preuve que dans le commandement, il y a aussi le commandement législatif, c'est le livre d'Allah. Allah, il a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez ce hadith, subhanallah, il est magnifique. Il a dit, j'ai été envoyé avec le sabre avant le jugement dernier, afin de mettre en place les lois de la religion d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah soit le seul adoré sur la terre, Allah celui qui n'a pas d'associé dans le jugement. Allahu Akbar. Il a dit qu'il a été envoyé pour mettre en place la charia. Et aujourd'hui, dites-moi, ceux qui mettent en place la charia, comment les gens ils le considèrent? Comment ils sont considérés? On les considère comme étant des fondamentalistes, des intégristes, des terroristes, des chiens d'enfer, et j'en passe. Alors que c'est eux qui suivent la sunna de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a dit dans son livre, ou bien aurait-il des associés qui leur auraient établi des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc ce verset est une preuve que le droit de légiférer n'appartient qu'à Allah et qu'Allah il n'a pas d'associé dedans. Je répète, Allah a dit, ou bien aurait-il des associés qui leur auraient établi des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc le droit de légiférer n'appartient qu'à Allah et à personne d'autre et il n'a pas d'associé dedans. De la même manière, le droit de trancher des litiges n'appartient qu'à Allah. Le droit d'être un juge n'appartient qu'à Allah. Allah a dit, le jugement n'appartient qu'à lui, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Il n'y a pas meilleur que lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est le juge et c'est à lui qu'appartient le jugement. Rapporté par Abu Dawud An-Nasa'i, et le hadith que je vous ai cité précédemment, j'ai été envoyé avec le sabre avant le jugement dernier, il est rapporté par l'imam Ahmed. Excusez-moi, il me semble que j'ai oublié de mentionner par qui il est rapporté, donc je vous dis qu'il est rapporté par l'imam Ahmed. Donc, à partir du moment qu'un autre jugement, écoutez bien, un autre jugement, et rappelez-vous ce que j'ai dit avant. Din égale jugement. Tout autre din, ou bien tout autre jugement qui est suivi, obéi ou pris pour juge, pour trancher un litige entre les gens, c'est un tagout. Car trancher les litiges est un droit et une fonction qui n'appartient qu'à Allah. Or, à notre époque, les gens, ils donnent à des constitutions et des lois qu'ils mettent en place un droit qui n'appartient qu'à Allah, un droit fondamental dans lequel Allah il est l'unique, un droit dans lequel Allah n'a pas d'associé. Et ce droit, c'est justement trancher les litiges. Et c'est ça un des principaux rôles de ces constitutions et de ces lois qui en réalité sont des fausses divinités. Écoutez ce verset. Allah a dit, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. At-Tabari rahimahullah, il a dit dans le tafsir de ce verset, donc dans l'interprétation de ce verset, il a dit: et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Cela signifie pour mettre le livre comme juge entre les gens dans leurs disputes. D'accord? Le livre, donc il est un juge, il nous dit. Il dit, Allah a lié le jugement au livre, et il a dit que c'est lui qui juge plutôt que les prophètes et les messagers. Car lorsqu'un prophète ou un messager a jugé, il a en réalité jugé avec ce qu'il a trouvé dans le livre qu'Allah a révélé. Ainsi le livre, qui a été décrit comme étant véridique dans son jugement, est en fait le juge entre les gens, même si celui qui résout la dispute ne l'est pas. C'est pour cela que tout autre livre, toute autre constitution, tout autre code, appelez ça comme vous le voulez, qui va être mis en place et on va lui attribuer cette fonction de régler les litiges entre les gens en dehors d'Allah, eh bien ce code-là, c'est un tagout, une fausse divinité. Donc pour résumer, et après on va passer au désaveu du tagout, parce que là on était uniquement à la définition du tagout. Qu'est-ce qu'un tagout? Qu'est-ce qu'une fausse divinité? Après, faut-il encore la désavouer pour accomplir le premier pilier du monothéisme? Et si vous n'accomplissez pas un pilier du monothéisme, vous n'êtes pas monothéiste. Le tagout est donc toute fausse divinité, idole, toute personne qui accepte de se faire adorer en dehors d'Allah, toute personne qui invite à la mécréance, l'embellit et l'impose aux gens, toute personne qui s'attribue un droit qui n'appartient qu'à Allah, les diables, les devins, les sorciers, ceux qui instaurent les lois autres que celles d'Allah, les tribunaux qui se réfèrent aux lois des hommes, des juges qui se réfèrent aux lois des hommes, des parlements qui légifèrent des lois, des partis politiques, ou bien toute loi qui n'est pas issue de la législation du législateur. Maintenant, on va passer au désaveu du tagout. Le désaveu du tagout est donc le premier pilier du tawhid, et ce pilier a lui 5 conditions. D'accord? Ce pilier a 5 conditions. La première condition, c'est que vous devez être convaincu de la nullité de l'adoration du tagout. Allah, il a dit, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. La deuxième condition, vous devez délaisser et vous éloigner de l'adoration du tagout. Vous devez délaisser et vous éloigner de l'adoration du tagout. Allah a dit, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Allah il a dit aussi, quant à ceux qui s'écartent de l'adoration du tagout et reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Et ce délaissement et cet éloignement, il doit être opéré par 3 moyens, le cœur, la parole et l'acte, comme nous a dit Ibn Kathir, rahimahullah. Il nous dit donc que le tagout, il doit être renié par la croyance, la langue et l'acte, et parce qu'il nous cite certaines catégories de personnes. Dans l'islam, la foi, elle est définie par le cœur, la conviction, la parole et l'acte. Et la personne, elle tombe dans la mécréance, soit avec une conviction, soit avec un doute, soit avec une parole, soit avec un acte, quoi qu'il y ait dans son cœur. Et ce principe est confirmé par Ibn Kathir, rahimahullah, qui nous dit qu'il y a des gens qui peuvent rejeter le tagout avec la langue et leur acte, mais pas avec leur croyance. Et ça, c'est des hypocrites. D'autres qui vont le rejeter avec leur croyance, mais pas avec la langue. Et il donne un exemple. comme ceux qui prêtent serment de respecter les idoles et Tawagit. Et il dit d'autres qui vont rejeter le Tawagit par la croyance, mais pas par l'acte, comme ceux qui vont se prosterner devant le Tawagit où ils vont lui demander le jugement, en le prenant pour juge, en dehors d'Allah. Et là, j'aimerais attirer votre attention quand il a dit prêter serment de respecter le Tawagit. On a établi avant que la constitution était un Tawagit. Et vous savez que pour devenir un président d'un État, vous devez prêter serment de respecter et de suivre cette constitution. Alors que la constitution elle-même, elle vous accorde le droit de légiférer en dehors d'Allah et le droit de trancher des litiges en dehors d'Allah. Quiconque prête serment de la respecter, il n'y a pas de doute qu'il entre même dans le cinquième Tawagit qu'a cité notre cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, celui qui est satisfait que les gens l'adorent en dehors d'Allah. Parce que il a accepté qu'on lui attribue ce qui n'appartient qu'à Allah. C'est comme si quelqu'un acceptait qu'on lui attribue la seigneurie. C'est pareil. La seigneurie n'appartient qu'à Allah. Le jugement aussi, il n'appartient qu'à Allah. Et Allah, il est unique dans les deux choses. Si tu lui donnes un égal dans une des deux, ou bien dans les deux, ça ne change rien. Tu as commis le shirk et tu as annulé le tawhid. Comme a dit Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, quand le shirk apparaît, le tawhid disparaît. Quand le shirk apparaît, le tawhid disparaît. Parce que les deux sont l'opposé l'un de l'autre. Une chose ne peut pas être glaciale et brûlante à la fois. Mais une personne ne peut pas être monothéiste et mouchrique à la fois. C'est pareil. La troisième condition pour désavouer le Tawagit, il faut prendre le Tawagit pour ennemi. Il faut prendre le Tawagit pour ennemi ainsi que tous ceux qui l'adorent, c'est-à-dire ils font le shirk envers lui. Allah, il nous a cité les paroles d'Ibrahim alayhi salam quand il a dit à son peuple, « Que dites-vous de ce que vous adoriez ? Vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. » La quatrième condition, c'est détester le Tawagit et ceux qui l'adorent. Donc là, il s'agit de les détester pour la mécréance sur laquelle ils sont. D'accord ? Allah, il a dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Et là, j'aimerais préciser quelque chose. C'est qu'il y a il y a la grande alliance et il y a la petite alliance. Par exemple, si vous avez de l'amour naturel envers un proche ou envers quelqu'un qui a toujours été bon envers vous, eh bien, ça ne vous exclut pas de la religion. Par contre, si vous l'aimez pour la mécréance sur laquelle il est, vous l'aidez à combattre l'islam et les musulmans, là, vous sortez de la religion. Et la cinquième condition, c'est que toute personne doit être convaincue que le Tawagit, ainsi que ceux qui l'adorent, ils ne sont pas des monothéistes. Le Tawagit, ainsi que ceux qui l'adorent, ne sont pas des monothéistes. Comment est-ce que le Tawagit pourrait-il être celui qui unifie Allah, alors que lui-même il s'est associé à Allah? Subhanallah. Comment est-ce que celui qui adore une autre divinité qu'Allah pourrait être celui qui adore uniquement Allah? C'est impossible. C'est impossible. Donc, toute personne doit être convaincue que le Tawagit et celui qui pratique le polythéisme ne sont pas des monothéistes. Allah a dit, Allah est le maître des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, leurs maîtres sont les Tawagites qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu où ils resteront pour toujours. Allah a dit, les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Et pour terminer, je vais vous citer une très belle parole de notre cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui l'a dite dans Adura Rassaniya, volume 2, page 119 à 120. C'est un conseil, après qu'il ait parlé du tawhid et de l'islam, il a adressé un conseil à ses frères monothéistes. Et écoutez, c'est vraiment une très très belle parole, mashallah. Il a dit, Allah Allah, mes frères, accrochez-vous à la base de votre religion, son commencement et sa fin, son fondement et son sommet, qui est la shahada, la ilaha illallah. Et apprenez sa signification et aimez-la. Aimez ses adeptes et soyez frères avec eux, même s'ils vous sont lointains. Aimez, croyez aux tawaghites. Prenez-les pour ennemis, détestez-les et détestez ceux qui les aiment. Polémique à leur sujet. Ne les excommunie pas ou dise « Allah ne m'a pas chargé d'eux ». Car en disant cela, ils montent sur Allah. Allah les a chargés d'eux en leur ordonnant de les renier, de les désavouer, même s'il s'agissait de leurs frères ou de leurs enfants. Allah, Allah, accrochez-vous à ça. Peut-être rencontrerez-vous votre Seigneur sans rien lui associer. Ô Allah, nous te demandons de nous faire mourir musulmans et de nous faire rejoindre les gens pieux. Amin. Fin de la citation de notre cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Barakallahu fikum de votre attention. Merci à vous tous. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.